Merci à l'équipe de la médiathèque, Madame Blasuto et sa collègue, et à Madame Muller d'avoir organisé cette rencontre, à la médiathèque de nous accueillir, à la librairie Oberlin d'avoir accepté d'être éditeur de notre livre, et donc aussi de le diffuser à travers la librairie Oberlin. Merci à vous de venir à cette rencontre. C'est peut-être pas une période extrêmement favorable pour ce genre, pour les rencontres, conférences, etc. Le thème pourtant s'insère bien, hélas, dans l'actualité, n'est-ce pas, au regard de la vague d'attentats et de l'ébranlement qui en est résulté. Alors là, je voudrais dire quelques mots sur la façon dont ce travail s'est engagé, sur le contenu aussi, et quelques mots sur la thématique, et Frédéric, qui a fait une importante contribution, prendra le relais, et puis je vais dire quelques mots en guise de conclusion. Et puis bien sûr, on pourra échanger, débattre. Alors cette publication est le fruit du travail qui se fait au niveau de l'Union protestante libérale. Le plus grand nombre d'entre vous, sans doute, sait que l'Union libérale s'inscrit dans un courant de pensée chrétien qui a le souci du libre débat sur des questions de spiritualité, tout en ayant le soin d'appuyer ce travail sur des bases théologiques sérieuses et d'appréhender dogmes et textes fondateurs avec les méthodes d'analyse contemporaine, notamment lorsqu'il s'agit de la Bible. Le coup d'envoi, si on peut dire, de cette édition a été le colloque que nous avions organisé il y a 2 ans sur le thème du livre, et les 3 principales contributions que vous trouvez sont issues de ces conférences qui ont été en partie aussi revues, complétées. La conclusion du livre est nouvelle, si on peut dire ça comme ça. J'ai essayé d'intégrer l'actualité un peu au fil du temps qui passait, et puis bon, ma foi, je m'y suis pris à plusieurs fois pour reprendre cette conclusion essayant de tenir compte de l'actualité, justement. Nous n'avons pas pu tenir compte des attentats de novembre. Le livre venait de sortir à ce moment-là. Le contenu de ce livre est essentiellement ces 3 conférences, ces 3 textes de conférences revues, complétées. Le premier étant un travail que j'ai présenté sur le projet politique de Jésus pour établir aussi, au moins un tant soit peu, les rapports entre religion et pouvoir temporel dans le judaïsme. Enfin, les rapports étaient aussi simples qu'une fusion totale de ces 2 aspects que nous distinguons souvent, mais que l'on ne distinguait pas à l'époque du judaïsme ancien. On peut remonter jusqu'au temps des tribus, des rois, bien sûr. Mais la question se pose de façon assez pertinente, du moins pour les chrétiens, de savoir quelle était la position de Jésus dans cet ensemble religieux, politico-religieux, aussi en présence ou sous la domination des Romains. Et j'ai notamment marqué cette constatation que Jésus est rentré dans le projet messianique, de l'attente messianique, qui était à l'époque aussi assez diversifiée, mais il est rentré dans ce rôle de messie ou de futur messie. Finalement, il n'a pas pu le prendre en charge comme il l'entendait sans doute. La deuxième contribution, c'est celle du professeur Michel Hume, qui établit l'indissociabilité du politique et du religieux dans le monde romain, et aussi un peu la montée en puissance de la figure de l'empereur comme figure quasi divine. Et nous avons quelques documents que le professeur Olivier Huc a bien voulu nous communiquer. Nous n'avons pas pu avoir sa contribution, il a beaucoup de travail et le sujet est certainement aussi un sujet qui continue de travailler pour une publication. Mais les documents qu'il nous a fournis montrent que dans un deuxième temps, le pouvoir juridique de l'empereur passe progressivement entre les mains des évêques. Partiellement d'abord, et puis progressivement. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce qui était souvent une fusion, une confusion hein, des deux pouvoirs. Nous n'avons pas évoqué dans notre livre ce parcours, ce qui s'est passé entre le temps romain et la Révolution française, mais dans la dernière publication, Émergence et devenir des religions, nous avons pas mal de renseignements sur cette période. Donc il n'était pas question non plus d'en rajouter de ce côté-là. Alors à partir de là se pose la question, qu'en est-il aujourd'hui des rapports entre religion et pouvoir politique? Donc Frédéric, qui était professeur de philosophie, qui est aussi agrégé de philosophie, et qui a l'habitude de bétonner ses propos, donc on aura le plaisir de l'entendre tout de suite. Alors ajoutons que nous avons pu avoir deux témoignages, notamment au sujet de la question que nous avions posée au moment du colloque, de savoir comment les valeurs auxquelles les personnes contributives en politique sont attachées, comment ces valeurs peuvent se transposer dans le concret. Donc nous avons quelques pages de Catherine Trautmann et de Kadir Güzel. Et puis enfin, vous trouvez la conclusion sur laquelle je voudrais revenir tout à l'heure. Pour que je n'oublie pas, nous avons une appréciation de la plume du professeur Gérard Sigwald, et pour ne pas oublier de vous la donner, je voudrais vous la donner tout de suite. Nous en sommes reconnaissants et même plutôt fiers. Gérard Sigwald nous a écrit, il s'agit là d'une contribution précieuse et éclairante avec des approches variées, historiques et plus systématiques, et parfois les deux ensemble et complémentaires. Et puis un compliment particulier à Frédéric. Et puis il nous dit aussi l'apport des historiens qu'on dit profanes est le signe d'une théologie respirante. Il est particulièrement signifiant pour le sujet traité. L'Union libérale, ajoute-t-il, est un des rares lieux où est menée une réflexion théologique sérieuse. Félicitations pour cette persévérance et ce courage. Il faut du courage pour faire de la théologie, m'écrivait un jour le père Congar. Voilà, nous sommes très, très contents, très fiers de ces remarques. Quelques mots d'introduction au thème religion et politique. Vous savez qu'en France, les rapports entre religion et politique sont ou semblent en tout cas clairement définis depuis la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Et cette loi est souvent considérée comme le socle de la laïcité française. Et pourtant, on sait bien que les choses ne sont pas toujours aussi nettes que cela semblerait. On sait par exemple que les écoles privées catholiques sont subventionnées par l'État laïque, les obsèques des grands hommes politiques sont souvent célébrées dans les cathédrales, à commencer par Notre-Dame de Paris. des réseaux et des lobbies à caractère confessionnel existent bien ici ou là, et on pourrait bien sûr faire un inventaire plus large et plus complet de cela. On constatera d'emblée qu'il a fallu plus d'un siècle en France, à partir de la révolution de 1789, pour arriver à ce statut de la laïcité, pour le définir de façon plus précise, en passant par le célèbre concordat, donnant un statut officiel à la religion au culte catholique, et les articles organiques qui ont suivi en ce qui concerne les cultes protestants et israélites. Ce statut de la loi de 1905, rappelons-le, n'est pas appliqué en Alsace et en Moselle. Vous pensez bien sûr au statut local concernant les cultes, et bon, n'est pas appliqué souvent aux grandes dames des laïcistes chevronnés ou purs et durs, hein, si je peux me permettre. Alors, deux questions, à mon avis, se posent quand on considère cette problématique religion et politique. C'est de savoir quelle est la place des organisations religieuses dans l'ensemble républicain, ou quelle est la place qu'elles peuvent avoir. Et donc, on est tout près du... On peut poser la question de façon différente, en disant quel peut être, ou devrait être, le pouvoir, hein, si vous préférez, des organisations religieuses dans cet ensemble républicain. Certains le posent certainement comme ça. Et bien sûr, en conséquence, quelle est la place du croyant, du croyant citoyen, dans cet ensemble, cette organisation politique républicaine, quelle peut-elle être, hein? On a souvent brodé sur la question du nécessaire engagement des chrétiens dans la cité. Bon, ok, jusqu'où peut-il aller, hein? Alors, la deuxième question me semble être celle des principes. On pourrait dire les valeurs, hein? Je préfère parler des principes. Les principes de référence de l'État laïque. Alors, quelles sont les valeurs que défendent ceux qui sont attachés à ce système laïque, hein? Et puis, donc, quel est le rapport de ces principes ou de ces valeurs aux valeurs religieuses? Par voie de conséquence, quel dialogue est possible? Pardon, je reviendrai donc sur cette question tout à l'heure en conclusion. Trois remarques provisoires sur l'état des lieux. On pourra peut-être y revenir dans la discussion, sans doute. Frédéric traitera cela aussi de façon plus approfondie. Aujourd'hui, les grands partis ont renoncé à afficher des objectifs proprement religieux. C'est un état de fait. Ça pourrait changer, hein, on ne sait jamais. Hein. Mais les églises, si elles continuent de publier des positions éthiques ou se prononcent aussi ici ou là sur des questions économiques, ne touche pas à ce qu'on peut appeler politique. Bon, certains regrettent parfois que des représentants politiques ne se réfèrent pas davantage à des principes religieux, mais en tout cas, en ce qui concerne la délimitation des pouvoirs, les choses semblent assez claires. Officiellement, tout le monde s'accorde donc à prôner le respect des institutions de la République. Mais, question, tout le monde s'accorde-t-il à affirmer la nette nécessité d'une autonomie totale du politique par rapport aux religions? On verra tout à l'heure avec Frédéric. Et puis, dernière remarque, les rapports entre religion et politique sont-ils définitivement établis? Selon, sinon, quel critère faut-il appliquer? Nous constatons que ces rapports ont évolué au fil de l'histoire. Alors, ils sont forcément à considérer aussi aujourd'hui dans un monde qui évolue. On voit combien le djihadisme, expression entre autres du conflit, de conflit, on peut même le mettre au pluriel, de conflit religieux au Moyen-Orient, nous interpelle jusqu'à nous mettre à mal dans nos propres terres. Évolution, la question est ouverte et posée. Merci Frédéric de prendre le relais. Bien. Il est très difficile de résumer ce qu'on a fait. Déjà, lorsque j'ai fait la présentation au colloque, où je m'étais limité à une heure simplement, j'étais obligé de mettre beaucoup de choses dans des notes que fort heureusement Ernest Winstein a accepté de mettre dans la publication, parce que évidemment mon exposé ne pouvait pas développer des points complémentaires qu'on ne trouve que dans les notes que j'ai ajoutées. Donc il faut lire. Donc il faut lire, voilà. Publicité faite. Et il est donc d'autant plus difficile encore aujourd'hui de vous donner un aperçu résumé de ce que j'ai tenté de faire. C'est toujours difficile par conséquent. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ma contribution au colloque était formulée et construite de manière à s'adresser au public. Un public protestant en général engagé dans la vie protestante ou dans la vie religieuse. Je voudrais donc vous expliquer d'abord dans quel esprit j'ai abordé le problème, avec quelles préoccupations, ce que je fais aussi dans l'introduction de l'article, et ensuite vous exposer la démarche que j'ai suivie, ou que j'ai essayé de suivre. Donc l'interrogation du colloque portait sur le rapport entre religion et politique. Si on aborde très concrètement cette interrogation, elle comporte deux questions liées. Qu'en est-il de la position politique du chrétien en tant que citoyen ? En tant que citoyen, il est engagé dans des choix à faire. Et alors, en quoi son appartenance à une religion doit-elle orienter son engagement ? Première question. Deuxième question, qu'en est-il des églises ? En quel sens doivent-elles s'engager et le doivent-elles ? Vous le savez, les réponses qu'on peut donner sont sujettes à des variantes. Certains diront que les églises doivent se constituer en force politique, directement ou indirectement à travers des partis portant l'étiquette religieuse. C'est le cas en Allemagne, par exemple. D'autres diront que les églises doivent prendre position sur des questions particulières, considérées comme étant des conséquences de la religion. D'autres encore diront que les églises doivent prendre position sur des questions de principe seulement. Alors, pour éclairer cette question, il m'a semblé qu'il fallait examiner prioritairement et d'abord la question de la fonction du politique. Et ça a été là l'objet essentiel de mon intervention et de ma présentation. Je vais donc commencer par expliquer pourquoi j'ai pensé que cette démarche-là, c'est-à-dire commencer par l'examen du politique, me paraissait la plus appropriée. La question du rapport entre religion et politique est généralement posée dans les termes suivants. Je m'adressais à un public protestant, un chrétien. Je suis chrétien, ou fidèle d'une autre religion, et je me demande quelles conséquences ma foi peut ou doit avoir sur mes choix politiques. Accessoirement, ou parfois fondamentalement, quelle position doit adopter ma communauté en tant que corps constitué. Cette question, telle qu'elle est habituellement posée, paraît si naturelle qu'on n'en fait pas l'examen critique. Et les interrogations en général, les discussions, se concentre sur l'examen des options politiques possibles. Or, me semble-t-il, telle quelle, cette question présuppose que la religion a une place dans la politique. Ce qui reste à vérifier et à problématiser. De plus, et surtout cela, c'est ça qu'il faut surtout pointer, me semble-t-il, nous sommes aujourd'hui, au moins, dans une situation de pluralisme religieux et de pluralisme idéologique. Or, dans une telle situation de fait, de pluralisme religieux, que se passe-t-il et que se passera-t-il si chacun vient dans le débat politique en se présentant et en fondant ses choix sur ses croyances religieuses, en disant « je choisis cela parce que ma religion l'exige ». À partir de ce moment-là, le débat politique devient le lieu de confrontation des valeurs liées à des croyances. Depuis le sociologue Max Weber, on appelle ça la guerre des dieux, ce qui signifie au fond le conflit des valeurs concurrentes. Et, pire encore, si, à tort ou à raison, ces valeurs sont estimées exclusives les unes des autres, chacun défendra ses propres valeurs en craignant que si les options liées à d'autres valeurs l'emportaient, le droit auquel il tient serait désuet. Et on est bien, c'est bien un aspect aujourd'hui où beaucoup de nos concitoyens craignent que si d'aventure le christianisme devenait minoritaire, les valeurs auxquelles il est attaché et qui fondent notre droit deviendraient désuètes. Donc que notre droit serait forcément transformé si d'autres valeurs liées à d'autres religions devaient l'emporter. Devant ce constat, très schématique, hein, je concède, la question se pose de la façon de répondre aujourd'hui au problème du rapport entre religion et politique. Et il me semble d'ailleurs toujours, qu'il fallait proposer un détour et inverser l'ordre du questionnement. Avant de demander « que dois-je faire en tant que croyant ?»« que doivent faire en politique les chrétiens, les croyants ?» il m'a semblé qu'il fallait commencer par examiner ce qu'est la politique, quelle est sa fonction et au fond, ce que raisonnablement chacun attend du politique. Et c'est seulement après avoir posé cette question de l'essence du politique, de la fonction du politique, qu'on pourrait, me semble-t-il, s'interroger sur la question de savoir quel peut être l'apport du christianisme à l'entreprise politique. Posez d'abord la question de l'essence du politique et à partir de là, s'interroger sur l'apport possible des religions et des croyants dans cette entreprise politique. Dans cette démarche, je l'indique tout de suite, on postulera que la question du politique peut être examinée de façon autonome par rapport aux religieux. Je vais le dire, on y reviendra. Je postulerai aussi, que tout homme est capable d'une démarche qui consiste à examiner un problème de façon impartiale, pour un temps au moins. C'est-à-dire que tout homme peut poser un problème en se fondant sur des données observables par tous et en cherchant, par une démarche cohérente, logiquement cohérente, une solution valable pour tout le monde. En un mot, on postulera que tout homme est capable de saisir la réalité en surmontant son point de vue particulier pour prendre un point de vue partageable et universalisable. Voilà les préoccupations qui m'avaient guidé en participant au colloque et en présentant mon texte. Alors, je commencerai maintenant par vous donner un peu les points auxquels j'ai abouti, mais bien entendu, en résumant, je devrais là malheureusement me passer de développer toute l'argumentation que vous trouverez en plus détaillée dans le petit volume vendu au prix modique de 10 euros. Bien, alors, sur l'analyse du politique. Mon premier point donc était de présenter une analyse du politique. La réflexion sur l'essence du politique conduit, me semble-t-il, à définir la politique comme l'entreprise par laquelle des êtres libres cherchent à se donner une organisation, des lois, qui permettent à chacun d'être libre en accord avec la liberté des autres. Cette entreprise exige une réflexion à deux volets. Un, il faut examiner la notion de liberté telle qu'elle a son sens en politique et il faut délimiter le champ du politique. Ça, c'est le premier volet de la réflexion. Le deuxième volet de la réflexion, il s'agit d'examiner les conditions économiques et sociales qui permettent l'exercice effectif de la liberté. Alors, pour le premier volet, là aussi, je vais me contenter de donner les thèses à laquelle j'aboutis. Pour le premier volet, je retenais que le but propre du politique, la politique a un but propre, et ce but propre, c'est la paix civile. C'est-à-dire, tout simplement, le vivre ensemble des personnes libres. Ce vivre ensemble des personnes libres, qui est le but propre du politique, exige des règles dont les limites sont fixées par le but qu'elles visent, permettre la paix civile. Fondamentalement, ces règles auront un but bien délimité, permettre à chacun d'être libre en accord avec la liberté de tous. Et par conséquent, ces règles, les lois, reposant sur ce seul principe, cela veut dire qu'elles ne sauraient être l'expression des valeurs de tel ou tel groupe, de telle ou telle religion. En un mot, il faudra que l'État soit laïque. Ce qui veut dire que les lois ne doivent pas se fonder sur les valeurs de tel groupe ou de tel autre, mais simplement sur le principe, ce qui permet la liberté de tous en accord avec la liberté de chacun. L'État sera laïque. Entendons-nous bien. La laïcité ainsi présentée, et là excusez-moi un peu, on fait un peu de logique, est un principe ad quem. Ce n'est pas un principe a quo. Je veux dire par là, c'est un principe auquel on arrive quand on se demande ce qui va rendre la liberté possible pour tout le monde. Ce n'est pas un principe absolu dont on partirait pour l'imposer aux autres. En d'autres termes, la laïcité n'est pas une valeur qui s'opposerait à d'autres valeurs. La laïcité, comme principe ad quem, est un moyen qui permet à toutes les libertés de s'exprimer, à toutes les valeurs de s'exprimer. En d'autres termes, la laïcité n'est pas une valeur anti-religieuse. La laïcité dit simplement que les lois qui s'imposent à tous et qui doivent permettre à chacun d'être libre en accord avec la liberté des autres, que ces lois ne peuvent pas être fondées sur des points de vue, des valeurs particulières à tel ou tel groupe. Ceci pour le premier volet. Le deuxième volet, et c'est là qu'on verra, en abordant le deuxième volet que j'ai annoncé tout à l'heure, examen des conditions économiques et sociales permettant l'exercice de la liberté, c'est là qu'on va voir quelle peut être la contribution particulière du croyant. L'entreprise politique qui vise à établir et à garantir la liberté a nécessairement, c'est ce que j'essaie de montrer aussi, a nécessairement un volet social et économique. Si la liberté ne doit pas rester abstraite, il faut garantir à tous les citoyens les moyens de les exercer. Il faut donc veiller, notamment, à ce que la dimension économique ne détruise pas la liberté. Il faut veiller à ce que les inégalités naturelles ou celles qui résultent de différentes fonctions sociales ou économiques n'empêchent pas la liberté. En un mot, il faut fixer, la politique doit aussi fixer des règles économiques et sociales. Or, ça qui est important, or ces règles, ces lois, ne peuvent pas se déduire purement et simplement de principes, comme on déduirait des applications d'un théorème, ou comme on déduirait un théorème à partir d'un axiome. Ces règles économiques et sociales, avec ces règles économiques et sociales, on est dans le domaine du jugement. il faut dans chaque situation particulière examiner ce qui vaut le mieux, ce qui vaut le mieux à un moment donné. Traditionnellement, on dit que c'est le domaine du jugement, ou c'est le domaine, pour utiliser le vocabulaire des anciens, c'est le domaine de la prudence. La prudence qui est un effort renouvelé pour chercher ce qui vaut le mieux dans une situation qui est toujours particulière. Or, pour chercher ces solutions qui valent le mieux dans une situation particulière, il y a nécessairement débat. Ça ne peut se trouver que dans le débat. Et c'est là que l'on peut voir la contribution possible et même nécessaire des chrétiens. Le débat, en effet, s'il doit pouvoir dégager des solutions acceptables par tous, le débat qui est nécessaire à la vie politique, donc, requiert certaines vertus de la part des citoyens. Certains parlent d'habitus. Il faut un certain nombre de bonnes habitudes. La démocratie est fondée sur des principes, mais son exercice requiert des habitudes solides. Vous savez, Tocqueville déjà avait attiré l'attention sur le danger du repli individualiste dans les sociétés démocratiques. Et on a souvent dit que la démocratie, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Quand on de nouvelles démocraties, il y a souvent des problèmes parce qu'il n'y a pas les habitus nécessaires, parce qu'il n'y a pas les vertus acquises nécessaires. Le débat exige, le débat s'il doit être efficace et s'il doit être fécond, exige des citoyens prêts à s'engager dans des réflexions communes et impartiales. Le débat exige des débatteurs attachés à la liberté et à la tolérance. Le débat exige des débatteurs qui ont l'habitude de débattre en respectant leurs partenaires. L'habitude d'écouter, l'habitude d'utiliser des arguments qui soient de vrais arguments et non pas des arguments ad hominem ou des sophismes. Le débat démocratique exige des citoyens qui ont l'habitude de dépasser leur point de vue particulier pour s'efforcer de voir les choses d'un point de vue partageable par tout le monde. Alors la conclusion, et là je vais aller vite, la conclusion à laquelle j'arrivais donc était celle-ci. Les églises, les communautés de croyants joueraient un rôle essentiel si en leur sein, je dis bien en leur sein, elles cultivaient ces vertus qui pourraient ensuite s'exercer dans la vie publique. Pour faire bref, et on peut tout se permettre à l'Union libérale, je disais que je rejoins la position du thomiste Jacques Maritain, lorsqu'il proposait que l'engagement du chrétien se fasse non pas en tant que chrétien, mais en chrétien. En d'autres termes, ce qu'il disait, je m'engage en exerçant au profit de la communauté mes capacités à débattre sur ce qui vaut le mieux. Donc, j'investis les vertus que j'ai cultivées dans ma communauté, mais quand j'interviens dans la cité, je n'affiche pas mes valeurs propres à ma communauté, je ne fais qu'investir les vertus que j'ai acquises dans ma communauté. Donc la différence que développait Maritain entre agir en chrétien et agir en tant que chrétien. Un mot, oui, tout ça c'est beaucoup plus développé, bien entendu, dans le texte. Il me reste à dire un mot sur le titre de ma contribution qui s'appelait « L'autonomie du politique, un défi pour les religions ». Il y a un point d'interrogation, non ? Avec un point d'interrogation, oui. Défi ne veut évidemment pas dire provocation, c'est pas dans le genre de la maison, ça correspond un peu à l'allemand, une exigence qui se présente, une demande de réflexion, Herausforderung, diraient les Allemands, ce serait plus exactement ça. C'est pas, on lance pas le gant à quelqu'un, la question n'est pas là. La thèse que j'ai développée revient à dire que la politique a un but propre, la paix civile, et à niveau propre, la liberté civile. Et, qu'est-ce que je développe, présuppose aussi que les hommes soient capables de résoudre les questions soulevées ensemble. La question qui s'adresse alors à la théologie, et aux religions, mais surtout à la théologie, est la suivante. Y a-t-il, dans la théologie, quand je m'adresse à un théologien, je lui demande, y a-t-il dans votre théologie une place spécifique pour la sphère du politique? Votre théologie permet-elle de concevoir l'entreprise garantissant la paix civile et la liberté civile de façon autonome? En d'autres termes aussi, êtes-vous prêt à considérer comme ayant de la valeur une entreprise qui s'occupe simplement de la paix civile et de la liberté, comme liberté civile, sans vouloir en même temps développer les autres aspects de la liberté morale ou la liberté religieuse. En d'autres termes, est-ce que vous êtes, votre théologie est susceptible d'accorder une sphère spécifique à la dimension du politique, sphère dans laquelle les dimensions religieuses, proprement religieuses et morales, n'interviendraient pas? On se dit, au niveau politique, c'est peu, mais en même temps c'est énorme, on se contente de tout faire pour permettre la liberté civile. Bien. En termes de Julien Freund, qui a été mon professeur et auquel je me réfère, je dirais aux théologiens, êtes-vous prêt à intégrer la distinction entre but et fin? La politique a un but, les religions ont des fins. Une différence fondamentale. En d'autres termes, êtes-vous prêt à valoriser l'action visant à réaliser ce but qui peut paraître modeste au regard des fins dernières, la liberté civile? En termes scolastiques, on pourrait demander, êtes-vous prêt à penser en termes de subsidiarité? En d'autres termes, êtes-vous prêt à poser qu'il y a des problèmes de niveaux différents et qu'il faut régler à des niveaux différents? Cette question conduit encore à une autre question. Si le problème politique doit se résoudre par les hommes avec leurs ressources humaines, cela suppose qu'on considère que les hommes ont les ressources pour le faire. Et se pose alors aux théologiens la question suivante. Êtes-vous prêt à accorder une place à ce qu'on appelle la morale naturelle et l'œuvre de la raison proprement humaine, sans faire intervenir directement et immédiatement les dimensions théologiques? Voilà, point de vue. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Le reste, vous le trouverez exposé plus longuement avec des notes, je le répète, très copieuses, que Ernest a bien voulu maintenir quand ça a été publié. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Alors, comprenez bien sûr que ces propos peuvent avoir des conséquences concrètes, hein, et aussi quelques lignes de conduite pour régler un certain nombre de questions qui se posent à nous à travers l'actualité. J'ai essayé de donner quelques mots de conclusion dans le livre sur deux points particuliers. C'est la question de savoir quelle est la capacité d'évolution des organisations religieuses, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire les tenants des religions présentes en France. Sont-ils prêts à se laisser interpeller à partir de ce besoin de structurer le vivre ensemble à partir de la liberté et de cette de nécessité que cette liberté soit utilisée pour trouver justement un consensus qui permette le vivre ensemble. Alors, la première question, c'est les ensembles religieux sont-ils capables de s'adapter au contexte républicain? nous posons bien sûr là la question de la place de la raison dans le travail que font les organisations religieuses, donc les théologiens notamment. Sur le plan du protestantisme notamment, du christianisme de façon plus générale, on a adopté des principes de lecture historico-critique des textes fondamentaux. Les libéraux en particulier ne veulent pas faire leur des positions dogmatiques qui seraient définitives et immuables, mais en disant qu'il est nécessaire de les remettre sur le plan de travail. Est-ce que c'est le cas pour toutes les religions présentes en France? Le catholicisme a suivi d'assez près les avancées théologiques plus ou moins critiques vis-à-vis de la Bible. Regardez les travaux qui ont été faits par exemple par Jean-Marc Prieur et son collègue qui intègrent vraiment les principales conclusions des travaux scientifiques. Ils vont faire la même chose sur l'islam. Alors oui, c'est en parution. C'est en préparation. C'est ce soir et demain qu'il y a une émission sur Arte qui présente déjà ces travaux. Oui, alors la question se pose, est-ce que l'islam va accepter que l'on procède de la même manière sur notamment évidemment le Coran? Il existe quand même très peu de travaux scientifiques qui mettent en lumière les traditions qui ont été utilisées qui sont à la base de l'écrit, et bien sûr des traditions orales qui sont mises à contribution pour la vie des communautés, souvent d'ailleurs opposées entre sunnites et les collègues. La question de l'acceptation d'une réflexion critique n'est de loin pas toujours acceptée. Elle se pose aussi au niveau de la définition des valeurs. Je me souviens avoir entendu à la rencontre des mondiale sur la démocratie il y a 3 ans, un représentant du Maroc qui disait que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors des représentants de l'islam nous disent tout de même que nous avons pas forcément les mêmes valeurs, mais nous nous basons sur des valeurs qui sont universelles. Or, cette question des valeurs universelles, je partage largement cette remarque avec Frédéric, ces valeurs universelles n'existent pas. Les valeurs qu'on considère comme étant universelles, ce sont des valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord, ensemble, à des niveaux différents. D'abord au niveau de chacune des civilisations, et puis on est arrivé à travers les organisations internationales à définir les droits, le système des droits de l'homme, déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que tout le monde adhère à cette déclaration universelle? Je ne pense pas qu'on puisse dire oui sans autre forme de procédure. Et puis, peut-être qu'il n'est pas du tout bon d'enfermer ce que nous appelons les principes ou un système de valeurs dans un ensemble qui serait éternel et immuable. Mais si c'est un aboutissement d'une réflexion qui vient de très loin, qui a supposé beaucoup de travail, d'évaluation, etc., eh bien, c'est quelque chose de vivant qui est censé aussi se développer, hein, prendre peut-être de nouvelles formes, intégrer des considérations, j'éviterai le mot valeur, des considérations de personnes qui ne sont peut-être pas traditionnellement de la civilisation qu'on appelle souvent européenne. Donc, cela signifie que le système laïque, politique au sens laïque, est aussi, doit à son tour se mettre à l'écoute de formations qui constituent la société dans sa globalité. En tout cas, permettre l'expression et donc entrer en dialogue, susciter le dialogue entre les différentes formations religieuses et les différentes tendances religieuses pour ainsi avancer éventuellement, s'il y a lieu, vers une adaptation des valeurs à un fonctionnement qui soit tel que l'on puisse vraiment vivre ensemble. Je pense que c'est une nécessité, c'est aussi quelque chose que notre statut républicain permet. Les religions étant respectées, implicitement respectées par la Constitution, par la loi de 1905, entre autres. Et n'empêche pas le dialogue. Je pense que il y a aussi un lien avec cette fameuse question de l'identité qui revient toujours à nouveau sur le tapis. Des compositions confessionnelles variées n'ont pas forcément donc la même identité, mais c'est une identité plurielle. Il est clair que chaque citoyen, quelle que soit sa référence religieuse, s'il veut vivre en citoyen, accepte de faire sienne l'identité qui est proposée par la République. Donc, je pense qu'il faut être clair là-dessus, et je pense que les considérations de Frédéric vont aussi dans ce sens. Voilà, donc nous cherchons à consolider peut-être des valeurs, hein, à ne pas partir de valeurs qui seraient idéales, mais si on peut avancer dans ce processus, on va se mettre en ligne de mire des valeurs qui seraient plus adaptées au vivre ensemble, ou mieux adaptées encore que celles existantes. On ne peut évidemment pas imaginer que les uns vont imposer leurs valeurs à d'autres groupes. Voilà, donc le champ reste ouvert, hein, et on a posé quand même un certain nombre de jalons qui évitent de partir dans des directions qui ne mènent nulle part. Merci d'avoir suivi nos considérations, et puis si on engage un débat, on a encore un petit moment, hein. On a encore un petit quart d'heure, oui. Oui, Auguste et puis François. Je reviens sur cette notion de laïcité. Parce que pour moi, la laïcité ne défend aucune valeur. La laïcité organise. vivre ensemble, mais ne défendra jamais de valeur. J'ai bien insisté sur le fait que la laïcité n'est pas une valeur. Voilà. Mais le fait que la laïcité ne va pas susciter un dialogue, ce n'est pas son rôle. S'il y a... Si tu permets, ça ceci. Quand certains disent que défendre la laïcité, c'est du laïcisme ou d'un esprit de laïcar, c'est parce qu'ils croient que ceux qui défendent la laïcité la présentent comme une valeur qui s'oppose à d'autres valeurs. Or, ce n'est strictement pas cas. La laïcité, c'est simplement un principe ad quem, c'est un principe auquel on a... Si tu veux la liberté, il faut que tu partes. Si tu veux la liberté de tous, en accord avec la liberté de chacun, il faut que l'État soit laïque. Ce n'est pas une valeur, ce n'est même pas un idéal. C'est un moyen de fonder le vivre ensemble dans la liberté. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Malheureusement, la laïcité a souvent de mauvais défenseurs aussi. Ça, il faut bien le dire. Mais je crois que si on comprend bien, c'est... Oui, il y avait François. Dans le cadre de la consolidation des valeurs du vivre ensemble, donc il y a quand même ce problème du communautarisme, c'est-à-dire que des communautés peuvent dire très bien nous allons vivre ensemble, mais séparément. C'est-à-dire nous allons partager l'espace commun, mais chacune va vivre un peu repliée sur elle-même, tout en se côtoyant l'autre, mais en ayant chacune ses propres règles. On voit ça beaucoup dans des pays comme par exemple le Liban, que l'on met un petit peu en avant comme un exemple de tolérance. Mais finalement, c'est une tolérance un peu biaisée, puisque chacun vit selon ses propres règles, en ignorant finalement le plus qu'en l'acceptant. C'est en effet un problème. Alors, personnellement, c'est une réponse personnelle. Je dirais, si déjà il y a différentes communautés qui vivent entre elles en se respectant mutuellement, c'est déjà pas mal, même si elles s'isolent. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait, c'est pour ça que je dirais peut-être que le christianisme a un rôle à jouer. L'idéal, c'est si, à l'intérieur même de la communauté chrétienne, on cultive l'esprit de citoyenneté, au fond, qui consiste à dire, je m'habitue à voir les choses, non pas seulement de mon point de vue particulier, mais je m'intéresse aussi à un point de vue partageable par tous, et je m'efforce à tout moment d'entrer en relation avec les autres qui ont certainement aussi des points de vue ou qui peuvent enrichir le point de vue commun. Mais c'est vrai qu'il y a le danger du communautarisme. Mais un bon communautarisme vaut encore mieux que la guerre civile. De toute façon, tolérance est un mot ambigu, parce que tolérance, c'est tolérer. Oui. Tolérer, ça va de la bienveillance jusqu'à tolérer à la limite, hein. Je préfère parler, en lieu de tolérance, je préfère parler d'ouverture. Oui. Si vous permettez, ça, j'ai ajouté un petit mot au détour d'une phrase dans mon article. On se trompe souvent de la cible, la tolérance. Tolérer, c'est être respectueux de l'autre comme une personne que je considère comme capable de réfléchir comme moi. Et je dirais volontiers, comme Alain, si je suis vraiment tolérant, je ne respecte pas les idées des autres. Parce que si je respecte ces idées, c'est que je méprise. Ah, c'est Alain. Vous voyez, je crois que c'est une idée très profonde. Tolérer, d'ailleurs, en plus, il faut dire que dans un État démocratique, si on veut la démocratie, il faut accepter l'expression de toutes les valeurs. Mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est les gens qui refusent l'expression de toutes les valeurs. Jean-Paul, qui est la condition sine qua non. Oui. J'ai repéré plusieurs points où j'aurais quelque chose à dire. D'abord, puisqu'on parle de la laïcité, je vais venir là-dessus. Il me semble qu'aujourd'hui, les débats sont un peu troublés par le fait qu'au moins depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire, entre autres, en France, la loi interdisant le port du hijab dans les établissements publics, il me semble que la laïcité de 1905, à la française, elle est de plus en plus remplacée par une laïcité de combat, qui pour moi n'est pas la laïcité, et que j'appellerais même une sorte de religion laïque. Hein. Et c'est, bon, plus ça va, plus ça s'aggrave, à mon sens. Et ceci, on voit bien que c'est en fait un combat que moi je qualifie d'islamophobe. C'est-à-dire que la laïcité telle qu'elle est prônée par des politiciens de gauche comme de droite d'ailleurs, hein, pour moi, ce n'est pas la laïcité. Parce que la laïcité, bon, ça a été rappelé, c'est essentiellement la séparation des églises, et de l'État, et le respect des croyances religieuses. Hein. C'est ça les deux gros points, si je ne me trompe pas, de la laïcité de 1905, telle qu'elle n'est pas appliquée d'ailleurs, comme tu l'as rappelé, en Alsace-Moselle. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que la laïcité, alors j'ai un petit désaccord quand tu dis que c'est pas une valeur, si. Il faut quand même se souvenir que quand il y avait la monarchie, il y avait une religion d'État, qui est le catholicisme. Et les protestants ont eu bien des ennuis à certaines époques à cause de ça. Hein. Bon, plus que des ennuis, même des massacres. Hein. Oui. Bien, les juifs eux-mêmes, ils sont devenus citoyens un peu après, en 92, 13, je ne sais plus la date exacte, ils ont été reconnus comme citoyens, donc eux aussi, avant, ils n'étaient pas très bien vus. Bon. Et comme je dis, d'ailleurs, les musulmans ne sont pas très bien vus non plus, puisqu'on le confond facilement avec des terroristes, etc., et tout ce qu'on veut. Bon, ça c'est... Donc je pense que la laïcité, c'est, pour moi, c'est une valeur qui permet justement le respect de la coexistence, plutôt, de toutes les autres valeurs, hein, qu'elles soient d'ailleurs religieuses ou elles-mêmes non religieuses, enfin, l'athéisme, l'agnosticisme, et les religions monothéistes et les autres, hein, ont droit d'exister dans... un État qui se dit laïque. Bon, alors, je vais intervenir en fait pour les autres choses, avec d'autres points. Quoi. Oui, sur le premier point, moi je suis tout à fait dans ce sens-là. Sur le deuxième point, simplement, j'ai de plus en plus, position personnelle, hein, j'ai de plus en plus tendance à me méfier de la notion de valeur. Oui. Parce que, ce qui est très curieux, tout le monde utilise ce mot aujourd'hui. Oui. Or, si vous regardez les publications, depuis les années 50, pratiquement, il n'y a pas d'ouvrage qui soit paru, qui soit un ouvrage de réflexion critique sur la notion de valeur, depuis 1950. Hein. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un long débat. Est-ce que les valeurs, il faut entendre, au fond, au sens platonicien, des espèces d'idées modèles? Est-ce qu'il faut un platonisme soft, c'est-à-dire qu'il y aurait des idéaux qui n'ont pas de réalité ontologique, mais qui sont quand même des idéaux qui s'imposent à tout le monde? Moi, je pense souvent aux hésitations qu'on trouvait chez le professeur d'éthique à la faculté de théologie protestante, Roger Mehl, qui, dans un article de 1948, avait commencé par présenter les valeurs dans une perspective barthienne. Les valeurs, c'est ce qui nous vient par la révélation. Et alors, dans sa thèse de 57, de l'autorité des valeurs, il est passé à un point de vue, phénoménologique. Les valeurs, c'est des idées qui nous apparaissent dans l'action, un peu une analyse, un peu à la Husserl ou à la Scheler, vous voyez. Et ça montre que même un professeur d'éthique à la faculté de théologie, quand il s'agit de la question de valeur, on passe d'une perspective proprement théologique de valeur à une perspective, disons, anthropologique, phénoménologique. Juste sur ce mot-là, les valeurs, moi je suis très énervé quand j'entends les politiciens dire, parler de leurs valeurs. Parce qu'ils ne précisent jamais lesquelles. Hein. Et moi, ce que j'entends dans ce cas-là, c'est les valeurs qui les intéressent quasiment tous, ce sont les valeurs en bourse. Et ce mot, les valeurs, sans les qualifier, pour moi, c'est très... très je suis très méchant et critique. Hein. Il y a eu récemment... Libé en a fait l'écho. Il y a eu un article dans Libé sur Habermas, oui, qui disait que... la référence aux valeurs commence à m'exaspérer. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, bon, si tu permets, la deuxième chose que je vais dire tout à l'heure m'est revenue, c'est une chose qui concerne Strasbourg, enfin l'Alsace. C'est-à-dire que je suis très... et le rapport entre politique et religion. Hein. Il me semble que il y a... Alors, dans les deux sens, hein, comment dire, la tentative de certaines religions, entre autres... le protestantisme et le catholicisme, il n'y a pas très longtemps, d'avoir une influence politique en tant que telle. Je me réfère à tout ce qui a eu lieu autour du mariage pour tous, hein, des manifestations opposées au mariage pour tous. Et là, il y a eu une véritable, comment dire, intervention politique, hein, sous un biais religieux, plus ou moins affirmé, pour les uns, les autres, les intégristes chrétiens, les évangélistes, etc. On voyait bien qu'ils défendaient des idées politiques. Mais même, j'ai remarqué que même certains évêques, que moi je qualifie de normaux, quoi, qui ne sont pas des extrémistes, eux aussi, ils sont intervenus dans ce débat. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est... Bon, je ne dirais pas que c'est nouveau, mais ça réapparaît dans la vie politique française. Maintenant, dans l'autre sens, et là, je reviens à Strasbourg, j'ai assisté déjà plusieurs fois... alors, notre sénateur maire, là, il est très friand de l'interreligieux. Hein. Et j'ai déjà assisté à une autre de réunion, de débat, y compris à la synagogue de la paix. Et alors, d'abord, je suis frappé que dans l'interreligieux, alors bien sûr, ça s'appelle l'interreligieux, mais j'ai fait observer un jour que on demande jamais l'avis des agnostiques ni des athées, hein, ni en général des religions non monothéistes. Hein. Donc, déjà, ça, il y a quelque chose qui me trouble. Hein. Bon, est-ce qu'ils n'ont pas droit à la parole comme les autres? Et peut-être qu'ils sont plus nombreux, d'ailleurs, que les gens qui se réfèrent au livre. Hein. Bon, ça c'est fait. Et deuxièmement, une autre remarque là-dessus, il me semble qu'il y a une véritable instrumentalisation du religieux par le politique. C'est-à-dire qu'on voit très bien quand, par exemple, je sais pas, le maire, mais c'est partout ailleurs, c'est pareil, quand il s'adresse à des représentants religieux de tel ou tel quartier. Ça vaut surtout pour l'islam, d'ailleurs, en ce moment, puisque c'est, paraît-il, l'islam qui pose problème en France ou ailleurs, ou en Europe. On sent bien qu'ils veulent leur faire jouer le rôle dont Voltaire parlait, hein, c'est-à-dire que lui, il ne semblait pas trop croyant, il était plutôt déiste, quoi, mais il expliquait qu'au fond, la religion, c'est une espèce de police, quoi, pour les classes populaires. Hein. Et j'ai franchement l'impression qu'à Strasbourg, l'utilisation des religieux, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si les imams, éventuellement les autres représentants des religions, pouvaient nous faire la paix dans les quartiers, ça éviterait d'envoyer les CRS. Bon, ça, je trouve ça un peu inquiétant. Pourquoi Jean-Brice ? Oui. Le débat entre valeurs et principes, j'opterais plutôt pour la notion de principe de la démocratie. Oui. Bon, bien que ce soit un problème de nomenclature, hein, mais c'est bien clair, parce que principe, ça semble être plutôt des idées à partir desquelles on peut construire quelque chose. Et donc, pour les reformuler, je pense qu'il y a des principes de la démocratie, que le premier, c'est de maximiser la liberté. C'est ce que tu as dit, mais je le reformule d'une autre manière, c'est, en fait, c'est effectivement essayer d'aboutir au maximum de liberté pour chacun, tout en permettant de maintenir un vivre ensemble. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les courants de pensée, et qui est un deuxième principe, qui est un principe de raison, comme tu l'as dit Frédéric. Je crois qu'on peut aussi reformuler ce principe de raison comme étant un principe d'empathie cognitive. Parce que ça consiste à penser en se mettant à la place de l'autre. Hein. Donc pas seulement de l'empathie affective, comme on le trouve dans tous les groupes, mais une empathie cognitive, c'est-à-dire, on a pu appeler ça aussi la théorie de l'esprit, être capable de se penser comme étant à la place de l'autre, et c'est tout ce développement, bien entendu, qui demande le fameux habitus dont tu as parlé, avec notamment le développement aussi de l'esprit critique. Hein. Je pense que ça, il est très important d'être capable de développer un esprit critique pour justement être capable de cette empathie cognitive. Alors, cela étant posé, il me semble quand même qu'il y a un certain nombre de courants de pensée qui ne partagent pas ces principes. Parce qu'il y a un certain nombre de courants de pensée qui cherchent à développer la plus grande gloire et la plus grande puissance du Dieu très chrétien ou pas très chrétien, ou du parti. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il y a un certain nombre de courants de pensée pour qui la liberté et la rationalité ne sont pas les principes fondateurs. Et c'est là finalement que va y avoir une opposition, parce que la démocratie implique le pluralisme, y compris le pluralisme politique, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de démocratie sans qu'il y ait au moins deux partis qui s'opposent, et qui est un principe, c'est encore mieux d'autant plus d'opinions qui vont pouvoir s'affronter, dans un débat contradictoire et productif et fécond, mais que néanmoins il y a cette importance de la pluralité. Alors on voit bien que quand même il y a un certain nombre de courants de pensée, et notamment de courants de pensée religieux traditionnalistes quand même, qui sont totalement opposés au pluralisme des opinions. Bon, d'ailleurs, j'ai entendu ce matin sur France Culture un sondage, alors bon, avec toutes les précautions d'usage concernant les sondages, mais que chez les catholiques pratiquants, il y avait plus d'électeurs du Front National que dans la moyenne de la population. Donc, 33% contre, chez les catholiques pratiquants, contre la moyenne, je crois que c'est 28%. Et donc, on voit bien que ben, certaines options, alors finalement, c'est pas le propre du religieux, mais c'est certaines options, je dirais, plutôt communautaristes, hein, que ce soit avec le communautarisme religieux, c'est qui est celui qui se développe le plus actuellement, mais ça peut être aussi de l'ordre du politique, et qui sont en opposition avec les principes de la démocratie tels qu'on les a exprimés. Oui, je conçois bien ce problème. Mais forcément, un mot, je ne veux pas le mot de parole. Moi, j'aime bien certains auteurs américains, comme Rawls, par exemple, quand il dit, pour faire réfléchir les gens, il faut leur demander, supposons que vous ne sachiez pas à quel endroit vous allez vous trouver dans un état. Même que vous soyez au plus bas. Supposons même que vous n'avez aucune garantie, vous savez plus. Quel est le système que vous choisiriez? Et là, j'ai tendance à penser que même celui qui est le plus obtus au point de vue religieux se dirait, mon Dieu, si je dois arriver dans un état n'importe lequel, je préfère encore celui où il y a un régime pluraliste. Alors, je voudrais dire quelques mots au sujet de cette question. C'est une hypothèse. Du communautarisme. Il me semble que c'est un besoin fondamental de l'être humain d'avoir une identité. Et cette notion d'identité, évidemment, est plurielle. Hein. Chacun a une identité plurielle. Et un aspect de cette identité, c'est ce qui fait, c'est ce que j'ai en commun avec un groupe ou des groupes. Et donc je peux être redevable de groupes très variés, hein, mais en tout cas de ce qu'on appelle souvent la civilisation X, etc., hein, ou l'esprit européen ou l'esprit français, etc. Bon, on a besoin de cette identité pour vivre et pour permettre aussi d'entrer en dialogue avec d'autres identités. Et si je parle de dialogue, justement ce dialogue suppose le respect réciproque des identités et aussi de même d'interroger l'autre sur son identité, hein, c'est-à-dire d'accepter aussi la différence de l'autre par rapport à moi. Alors, si les communautés religieuses X, Y contribuent à cette identité, ça suppose aussi que c'est une identité ouverte, hein, et pas une identité fermée, hein, mais qui accepte donc d'entrer en dialogue avec d'autres communautés ou avec l'autre tout court. Alors, dialogue interreligieux, ok, hein, moi je suis tout à fait pour, mais ça suppose qu'on dise à l'autre qui en est et qu'on écoute l'autre pour l'entendre dire ce qu'il est. Et à partir de là, on va peut-être progresser ensemble ou ne pas progresser. Enfin, en tout cas, c'est la condition nécessaire si on veut effectivement vivre ensemble aussi avec ce qu'on a en propre, chacun ou en groupe. Donc, j'accorde un caractère positif à la notion de communauté, hein, pourvu qu'elle ne soit pas un repli sur elle-même et une façon de se barricader par rapport à d'autres identités. On a besoin de ces identités pour avancer. Hein. Okay, monsieur, j'aimerais revenir sur la notion de valeur. Vous avez parlé de valeur, de pouvoir, d'identité. Il y a une chose qui m'interpelle à l'intérieur de tout cela, c'est que une foi, si une foi existe, n'a aucun lien, il me semble, avec un degré de valeur. Je m'explique, toutes les religions, si elles sont, prônent ou doivent relier, se joindre le dépouillement, la négation de soi, quelque part, entre parenthèses. Je suis très surpris de voir on a l'impression que dans toutes les religions, tout le monde se rattache à quelque chose par peur, par phénomène de perdre pied. Donc, je suis personnellement, je ne vois aucun lien à la religion. La religiosité, mais la religion au travers de ce genre de, d'attitude. Parce que, en fait, si on va un peu au-delà, les gens se rattachent à une croyance par peur, par angoisse. La plupart du temps, c'est un peu ce schéma qu'on retrouve, c'est les angoisses qui rapprochent les hommes par l'angoisse de la mort, de sa propre finitude, ou de l'autre, de la peur de l'autre. Et je trouve que je suis sidéré de voir dans notre monde finalement, c'est hyper démago quand différentes religieuses se rencontrent, elles sont hypocrites la plupart du temps, parce qu'elles font ça d'un problème public, c'est pour montrer une image soi-disant d'entente. Or, aucune n'admet cette différence au fond d'elle, de l'autre, et je suis personnellement très choqué par ça, parce que c'est elles-mêmes qui génèrent, finalement, elles sont le terreau de ces divisions. Et je l'assume, je le dis, moi, c'est ce que je ressens. On n'est pas tout obligé d'être avec ça, mais je pense que j'ai le sentiment que tout ce qui se passe dans le monde, économiquement, politiquement, religieusement, c'est exactement le même terreau. On est toujours dans une dimension de pouvoir, d'avoir, on est dans l'avoir constamment, et je pense que la rencontre avec l'autre est de moins en moins possible. Et c'est une question que je pose, qui vraiment m'intéresse, pour ça que je suis venu ce soir, je m'intéresse à tout cela. Et comme vous tous, je pense, mais je n'ai pas de réponse toute faite. Et je m'interroge sur ces choses en me disant, nos phénomènes de division, finalement, sont générés par nos angoisses de perdre quelque chose. On veut se rattacher à quelque chose, à un bien matériel, à un bien spirituel, peu importe le sens qu'on donne au bien et la valeur. Et je pense que le tort, je pense, de beaucoup d'humains, c'est de toujours se rattacher à la valeur qu'on se donne. Et je pense qu'on se trompe. La valeur n'est pas dans le bien matériel. Ça, c'est mais tant que je pense, j'ai l'impression que les hommes veulent chacun défendre sa chapelle, c'est un tort. Je crois que nous sommes, peu importe, nous avons une différence culturelle. Et je pense que c'est beaucoup plus là, finalement, que le problème se pose. C'est notre culture, ne pas comprendre la culture de l'autre. Et je pense que c'est. Ces rencontres-là sont intéressantes parce que la notion de des religions sont toujours, ça c'est l'histoire, mais l'homme, je pense que l'homme sans cela n'a pas besoin de la religion. La religion, je pense qu'à l'origine, les religions, toutes les religions étaient certainement jouées le rôle de politique. Il n'y avait pas les règles, nous avons maintenant, c'est un peu ça, ils ne savaient pas lire ni écrire. Mais je pense que finalement, ne peut-on pas s'interroger que, autant d'un point de vue politique que religieux, toutes les limites ont été atteintes et que l'homme doit se repenser totalement et générer une rupture finalement totale avec ce qu'il a été. Et je pense que j'ai le sentiment que tous les hommes sont acculés à ça. Ils ont peur de perdre pied, donc se rattachent à des idéaux que chacun fait à son image. Alors, on peut écrire des livres sur ce thème, certainement, avez-vous raison, mais je pense que que nous soyons religieux ou adeptes d'un mouvement religieux ou d'une église ou pas, nous partageons tous, entre humains, la même question du sens de notre existence, du devenir de l'humanité, à quoi ça sert, pourquoi est-on là, vers où allons-nous, et je pense que c'est effectivement à l'origine une des questions importantes qui ont fondé les religions. Et forcément, ces pensées se sont développées dans la société dans laquelle ces humains ont vécu, et il n'y a pas eu de différence entre politique et religion. Hein. Ceci étant dit, la religion est souvent devenue un peu un complément du pouvoir temporel. Hein. Astérix. Il y a la fameuse thèse de Gaucher. La religion est la première solution aux problèmes politiques dont on n'a plus besoin maintenant. Il faut bien. Donc c'est une thèse bien connue, développée par la sociologie française. Alors là, effectivement, je pense que cette question reste d'actualité, cette question du sens et du devenir, etc. Une question que les religions peuvent partager aussi avec d'autres qui, personnes qui ne sont pas forcément des croyants, et qu'ils développent à l'intérieur de, aussi de leur communauté. Le danger de la religion était celui de se considérer comme étant l'organisme qui a des réponses à toutes les questions que l'humain se pose. Et alors là, on aboutit à la formation de dogmes qui sont des vérités définitives, immuables, etc. Alors, si nous prenons, si nous approchons ce qu'on appelle les textes fondateurs, mais enfin bon, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs les textes fondateurs, mais en tout cas les textes qui sont importants pour telle ou telle confession ou religion, si nous prenons les évangiles, puisque nous nous référons bien sûr à Jésus de Nazareth, appelé Christ Messie, hein, eh bien, nous avons quand même là, si nous dépouillons un peu si nous enlevons un peu ce carcan mythique, ou si nous l'interprétons, si nous arrivons à décrypter un peu mieux, nous sommes en présence d'un être humain qui n'a pas fait appel à des principes moraux définitifs transposés en valeur, pour reprendre le texte d'aujourd'hui, mais bon, je préférerais ne pas l'utiliser, mais qui a eu un comportement que Schweitzer qualifie d'éthique, hein, c'est-à-dire qu'il prend dans le vis-à-vis avec Dieu, qui est sa référence, il prend ses responsabilités, hein, et il décide dans la situation dans laquelle il se trouve, bon, à partir aussi de, évidemment, de traditions et de tout ce qui constitue l'ensemble, le tissage et le tissu humain et interhumain, mais il prend ses décisions en son âme et conscience. On pourrait citer quelques exemples, mais bon, c'est peut-être pas le moment là ce soir. Schweitzer a repris le flambeau dans ce sens, hein, d'une certaine manière aussi Luther, mais enfin Luther avec l'idée de la justification par la foi, mais Schweitzer en tout cas a très très clairement établi sa pensée sur non pas sur des aspects rigides de la foi ou des normes ou des commandements, des principes moraux, mais sur cette notion de décision personnelle, d'engagement. Donc, nous sommes là dans une religion d'ouverture, hein, et le mouvement libéral dans lequel nous nous situons, a pris ses racines au XVIIIe siècle avec l'esprit des Lumières, hein, qui n'a pas forcément donné toujours dans un sens forcément positif pour l'humanité, mais en tout cas qui a permis cette liberté de réflexion qui permet donc aussi de faire des choix, d'utiliser la raison pour la mettre au service de la foi. Voilà, donc c'est une religion d'ouverture que nous essayons de promouvoir et de favoriser, hein. Surtout pas d'enfermement, hein, c'est bien le contraire. Oui, je pense que la religion a quand même toujours eu une partie liée avec le pouvoir et l'organisation sociale. Et je vous invite à lire l'ouvrage, parce que les historiens qui ont participé parlent justement de la religion civique chez les Romains. Donc, oui. Chez les Romains, la religion était une religion civique. Hein, ouais. Les rites religieux étaient très directement liés à la participation à la cité, chez les Grecs également. C'était en fait gréco-romain. Donc il y avait cette double composante de participation à la cité et de religion. Ça rejoint finalement ce que disait Régis Debray, à savoir que pour tout niveau inter, il faut un niveau méta. C'est-à-dire que tout vivre ensemble, que toute participation à une communauté quelle qu'elle soit implique une transcendance. Alors une transcendance pas forcément au sens religieux, pas forcément un dieu barbu, mais une transcendance au sens, ça peut être, on peut considérer le bien commun ou la République, mais enfin quelque chose qui dépasse le simple niveau horizontal de relations entre les individus et de principes supérieurs. Bien, ben, je crois qu'on va clôturer notre rencontre. Hein, oui. Mais on peut encore discuter. Pour assurer, monsieur, il y a ce qu'il faut saluer quand même, nous lui rendre hommage. Sigvald nous a rendu hommage, je voudrais lui rendre hommage. Au moins, lui, il a lancé récemment vraiment une réflexion sur l'interreligieux avec tous les questionnements que ça pose à la théologie. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'avais aussi dans mon exposé, j'en ai pas parlé ce soir, mais la fin de mon exposé au colloque se terminait ainsi. Cette interrogation sur le rapport aux politiques amène finalement les religions à s'interroger sur ce qu'elles sont exactement. Parce qu'il me semble que si les religions s'occupent souvent de politique, c'est parce qu'elles ne savent plus très exactement ce qu'elles sont, au fond. Et elles s'intègrent alors, elles s'immiscent alors dans le couloir politique, faute d'avoir une réflexion véritable sur ce qu'elles sont. Et pour utiliser encore une expression de Sigvald, c'est parce que peut-être les religions souffrent d'anorexie théologique. Oui, je pense qu'il y a aussi une anorexie de réflexion chez les politiques. Aussi. Oui, oui. La référence aux valeurs qu'on ne cite pas. Loin. Merci beaucoup à vous d'être venu. Et puis, bien sûr, faites de la publicité pour notre ouvrage et commencez peut-être à l'acheter si vous ne l'avez pas encore. Et bien sûr, on est ouvert encore à des discussions si vous voulez. Pour la modique somme de 10 euros.